Sky Supreme. Allez, allez, let's go. DJ Case t'ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? C'est Skyrock et le dimanche soir, rendez-vous avec DJ Case, comme chaque dimanche soir pour Aïe Suprême. Comment va Case? Très très très très bien, on revient de Barcelone, hier c'était le feu. Non mais toi j'ai l'impression que t'es dans le monde entier à chaque fois. Bon, on bouge beaucoup, on commence un peu à toucher d'autres pays, donc ça fait plaisir. Et les gens réagissent bien, il y a du monde, ça fait plaisir. Mais ce soir, sais-tu que tu es dans le monde entier? Ah oui. Grâce à la toute nouvelle application Skyrock que tu as téléchargée. Exactement. Et tu me disais, incroyable cette, cette appli. Super top, je l'ai testé la semaine dernière, là, c'est le top. C'est un truc de dingue. Donc n'hésitez pas à nous écouter dans le monde entier désormais, allez télécharger la nouvelle appli, sinon sur Skyrock comme d'hab. Ouais, prêt? Regarde, attends, elle est là. Ouais, bah je sais, j'ai vu. Attends, je te fais confiance quand même. Parce que Fabien, oui. Non mais Fabien le connaît. On le connaît très bien. Bon, coup d'envoi, qu'est-ce qui se passe ce soir? Bah ce soir de la news, toujours plein de nouveaux sons et... Oh mais merde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le son. C'est la nouvelle appli. C'est fou. Voilà, donc ça va être en live et on va tout déchirer là. Et bah coup d'envoi maintenant sur Skyrock, DJ Case au contrôle. On est parti? Allez, coup d'envoi. Marine, je suis pas de ceux qui prônent la haine, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine, j'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes, je veux bien être un exemple quand ils cherchent de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable. Marine, Rail suprême sur Skyrock. J'ai peur que dans quelques temps tu arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Le Front National. Moi j'emmerde, j'emmerde, j'emmerde qui? Ma France elle emmerde, ma jeunesse elle emmerde, et ma banlieue elle emmerde qui? Ma France elle emmerde, ma jeunesse elle emmerde, et ma banlieue elle emmerde qui? Marine, plutôt crever que d'aller boire un café avec toi, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Comme si je n'existais pas. Rail suprême, minuit, 2h, avec Fred et DJ K sur Skyrock. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou. Les fruits, bien mûrs au bout de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Tirez ou t'en souffle nous-mêmes. des trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. ونموت عليك وهادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشاق Ma belle, où vas-tu, ma belle, où viens-tu, ma belle.

راسنا باري لو في خطر ولده امين صغير يا بجور يا بجور يا جرى على الشكلها يا العبا عرش We'll be right back. واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم hey! نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة انت في الحب عبارة خلي لاقل حيارة انت انت عبارة خلي لاقل حيارة واللي خلاك ما يفهم يجي يوم تباين واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم How much you all say with me معلم تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك تستاهل طيارة لا طيارة شوية عليك تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم والله يا معلم C'est Skyrock et le dimanche soir, c'est DJ Kayz au contrôle sur Skyrock. Eh qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle ambiance ce soir? Ah oui, tu vois qu'on finit sur une super bonne touche orientale. C'est vrai. C'était très magnifique. C'était génial, ouais. Ah, il y a des mecs qui passent carrément sous toi maintenant. Je sais pas que franchement, Rail Suprême, truc très chelou. Bon, qu'est-ce qu'il trouve pas le trou là? Ouais, je sais pas. On va lui indique lui. Je peux pas faire deux choses en même temps. Putain. C'est vrai. Et voilà, donc on a fini sur de l'oriental là. C'est super cool. Et donc, et toi, tu repars en soirée alors parce Oui, je repars en soirée. Bah déjà dès demain, comme tu sais que c'est la soirée d'Halloween. Ah oui. Donc on a un super flyer qu'on peut retrouver sur mes réseaux sociaux, sur la page Facebook DJ Kayz sur Facebook et DJ Kayz Paris sur tous les autres réseaux. Donc demain, je suis au Théâtre, c'est à Paris. Le vendredi 4 novembre, c'est à Brisbane, c'est à Neuilly-sur-Marne, et samedi 5 novembre à l'Infinity à Montpellier. Voilà. Que de voyage. Un gros mois de novembre qui se prépare. On donnera les dates au fur et à mesure, ou au pire sur les réseaux sociaux. Et puis on rappelle que le hashtag aussi. Bien sûr, on rappelle que le hashtag Rail Suprême est toujours actif et on voit toujours plein de aficionados de Rail Suprême et plein de fans et d'auditeurs qui sont toujours là, et on les remercie d'ailleurs parce que parce que sans eux, on serait rien du tout. Merci pour cette larmichette à l'œil, merci. Eh oui, c'était voilà. Beau. Voilà, non, mais on les kiffe et en plus, on les voit souvent. Il y a souvent des nouvelles personnes et ça fait super plaisir. Envoyez des messages et on revient tout de suite pour une nouvelle session. Ouais, bah oui, c'est parti. Tous les matins sur Skyrock. Tifoul te fait gagner. L'iPhone 7, il est pour toi. Pour toi, c'est la PS4. Ah, nickel. Tu viens de gagner 1500 euros et tu viens de gagner ton écran plein, Romain. Bravo. Et ben tous ces cadeaux, tu vas pouvoir les choper d'un seul coup, pour toi tout seul. C'est bien ça. La totale des cadeaux du Morning de Tifoul. Viens choper un écran plat, un iPhone 7, une PS4 Slim avec les jeux FIFA 17 et NBA 2K17. Ouais, des places pour le concert de Drake. Un chèque de 1500 euros. Non mais c'est pas possible, j'ai pas gagné 1500 euros, j'y crois pas. Et si, tu viens de gagner 1500 euros, Marie. Bien joué. Tous ces cadeaux, pour toi tout seul. Aïe, aïe, aïe, aïe. Rendez-vous à 7h30 mercredi matin sur Skyrock. C'est la totale. T'as envie de te marrer? Télécharge Yax et découvre les dernières blagues inventées par le peuple Yax. Balance tes photos et tes dossiers et tape-toi des barres avec les autres Yaxeurs. Cherche pas plus loin. Cherche pas. C'est sur Yax que ça se passe. Y-A-X. Yax. Yax. Planet Rap. On bouffe le monde avant que le monde me bouffe. Une semaine avant la sortie officielle de son nouvel album, le rappeur parisien Giorgio choisit encore Skyrock. C'est sur live dans Planet Rap, Giorgio. Un jour j'ai rencontré Rai, depuis je vous emmerde. Je suis rentré dans vos routines, parti en courant. Planet Rap, nouvel album de Giorgio, 20h-21h, en direct sur Skyrock. Giorgio à l'instant, quelle démonstration. À suivre sur les réseaux sociaux et en vidéo live sur le site et l'appli radio Skyrock. Minuit, 2h, Rêve suprême, c'est Rêve suprême sur Skyrock. DJ Mourad, tout l'été. Chômé le gilet par balle, petit cigare, chapeau de paille, verre de rosé, ah, je suis dans. vilaine canaille. Benga benga mi ama. Pina colada chicha man si signor. Ouai ouai ouai bouge ton corps. Chemise ouverte Rolex en or. C'est la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie la loca. C'est la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie la vie la loca. C'est la vie la vie la vie la vie la vie la vie la loca. Yeah. J'suis dans ta paranoïa. J'suis dans mon Panamera. Benga benga mi ama, piña colada chicha man si signor. Ouai ouai ouai bouge ton corps, chemise ouverte Rolex en or. Massage avec finition. Quand on arrive, ça sent la corruption. Je roule en hybride, je veux pas de pollution. Je lève mon verre aux absents. Les billets claquent qui sont brillants. Je lève mon verre aux absents. Faut tous mes vats tous en prison. Les sacs vite tombent dans le coffre, dans le club, dans le bloc. Tout ça tape dans les potes. Je partage la cagnotte, on s'y rentre le sirop. Baby, t'es mon copilote. Gauche, droite, salsa, ouraille. On t'apprend la danse des voyous. Brave les dangers, faut que les représailles. Ça c'est la danse des voyous. La rue nous colle à la peau. On va finir par se décimer. J'ai mon cigare, mon chapeau. Je vais vivre les rêves que j'ai dessinés. Ça c'est la danse des voyous. On t'apprend la danse des voyous. Vas-y danse comme un voyou. On t'apprend la danse des voyous. Sur Skyrock. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Chiquita.

rien n'est plus comme la veille. Pas le jour de la paix, mais le jour de la veille. Toujours frais, chambon, mon parfum c'est oseille. DJ Play, mon son, il se ruine en bouteille. Incroyable mais vrai, MC en bébé gay. M'arrive toujours pas, là je vis encore moins à l'orteil. J'ai dû m'envoler, blasé, pas le sommet. Veulent me violer, bronzer, sous mes rayons de sommeil. Ils font les beaux, ils font les chauds. Stupide dans leur clip, mais n'ont pas le charme du ghetto. Dans la rue, ça part plus vite, flic, bang. J'suis pas un boy spin, ni un gangster. Les chaloux font les dingues, savent devant qui est danser. Minuit 2h, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Légendaire, pour les gens d'heure. Je suis ce que j'en veux, en tant que d'air. Ta spin dans mon flingue, c'est un joueur d'heure. نبكيش كي وقول على شحكية الحالة قطعت الحور ثماني دور والغربة قد تعلم نبكيش كي وقول على شحكية الحالة بركانية العالي من اللي تحداني يغلب براني كثير عالم فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مرضى أنا بركانية العالي من اللي تحداني يغلب براني كثير عالم فكرت بلادي وعيد النادي سهر ربي مرضى أنا entre Mohamed Moussa et Abed. Trop fier d'être la fierté de mon bled. Salut au président, ça coule dansant comme dansant, puis ensemble, j'ajuste la crosse en dansant, pensant en notre pays. C'est avant la pupille, ils veulent donner des ordres, d'être les vendus qui obéissent. Dans les gardes, on s'éternise, on croit pas valer du râle. La réputation sternise, c'est que des meufs qui font bras. Y'a pas le drap, pas de temps de délirer ou t'admirer. Tu menaces pas, après j'm'en irai. Vivant, on y pète, vont garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défaut l'histoire. C'est un pétard, les criquets en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglot, on rentre en France. On les tient là-bas et se confie à ta rafni. Tu sais que le chef du chef il s'appelle Husni. قاسم وسم فور قدور يا خالد يا فيروس بولحية خلينا من الله رافع ويا حي يا حي ويا قاع انتوما يا مين تركيا ويا والعاصمة حطوا مكانيتي والسياسة تزيع لنا ايا قاع صبر صبر ايا شبه شبه ليل ليل ليل ليل ليل soir à partir de minuit pour Rai Suprême. On Skyrock. سيلي دموع عيني وروحني لستني وقديش تهز عليا يا بيلي فنصوني حب سيلي دموع عيني وروحني لستني وقديش ترفيت عليا عندي وحدة سموها الليلة هي الصح هي اللي معلمة هي حبي الأولى هي حبي الأولى قلب أبيض مليان أحلانا هديك اللي برا قصدي انا يلي بيه هتكبرها يلي بيه هتكبرها عندي وحدة سموها ليلى هي الصح هي اللي معلمة هي حبي الاولى هي حبي الاولى قلب ابيض مليان حنانة هديك اللي برا قصدي انا مشهور تعدد لك معناها باي باي باي

surgir. Sortais de la zone, j'cabrais dans la zone toute la journée. J'voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. J'connais la galère, frapper des templates tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, parle pas mal d'abrousse, on va sortir l'outil. J'ai mon sourire du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon sourire du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. Fais pas les données, oh, la mama maille, ouais, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Encore un classique qui nique des mœurs. Attends-toi à tous, t'en es, j'fais carnage. Vroom, vroom, vroom, pour toi j'accélère. J'fais trembler le Prado carénage. J'ai la gratte, comme d'hab, ça braque, c'est sur le T-Max, T-Max. Pour ceux avec la bac, la bac. Arrêtez de me prendre puisque je ne suis pas. T'as voulu me faire la course, mais frérot, tu suis pas. En couille, on fuit pas, en pote, on sneak pas. À LON, gueule, on arrive, méfie-toi. Ils le savent, savent, qui passe aux aves. C'est cave, parfois je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tu braves et j'en bave. L'année ça gratte, ça se balance à gauche à droite. Et rien que ça blablate, moi j'en ai rien à battre. Toute l'année ça gratte, ça se balance à gauche à droite. Et rien que ça blablate, moi j'en ai rien à battre. Pousse-toi de là, on va te faire mal. On danse sur les pins, pensée infernale. Tu me fais le gros, tu n'as même pas 30 balles. Et tu parles trop quand t'es au tribunal. Tu te sens mal, tu te sens mal. Depuis que tu fais P1, tu n'as plus d'amis. T'as gâti ta vie coulée, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'pris, j'pris, j'pris, j'pris, j'pris, j'pris. Sky. الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها. سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة في شروطك دي بشرة خير قوم نادي عصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلة واللي ميا ميا والنوبة الجمال ما توصيش السوايسة الدنيا هايصة كده كده ويسمع اللوية يا مكان العدا كلمني عشر اقوى واحنا ويا بعض اقوى واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير قوم نادي عصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمت رجال وانا هاجي مع السوهاجي tous les dimanches soirs à partir de minuit pour Rail Suprême. On Skyrock. Ok, ok. خاطر tout le monde. I'm not going to be able to do it. c'est ben c'est pour les centimes. Je fais du sale mon refrain, l'équipe passe pas fané. Je vais les laisser dans le vini car ce soir je suis dans mon délire. Ouais, peu seul, ça devient terrible. Parle pas trop de folie, même mon bled on est reconnu. Mon frère, dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Un bleu lave, Charlie, ouais, n'a pas rien dansé. Le DJ, mon attaque, on pile les dangers. Frappard, le bled, ça va pas changer. Je suis toujours le même, y'a que l'état qui a changé. Y'a Hlounes, la France, in Albu Holo. Tunis DZ, longue vie à nos potos. Neuromat et le jet set. J'passe à Kema pour conso. J'ai dit ciao ciao à l'Europe. J'ai dit salam à l'Afrique. Ils ont tabac mon passeport. J'vais laisser tout mon fric. Marina joue l'un de pop. Va dire à Lucien Albo. Ferrari en Habeya. Comme si j'étais Dubaï. Où est l'Eda, dire le Rubella. C'est déjà la fin, Case. Ouais, ouais. Déjà la fin de ce Rail Suprême. Ouais, mais comme on peut le constater, c'est déjà un peu plus long que. Déjà un petit peu plus long qu'avant. Donc, grâce à la direction de Skyrock, on peut déborder d'une heure. Donc, ça fait super plaisir. On fait kiffer tout le monde. Pas de limite. Pas de limite pour Rail Suprême. Voilà, et les insomniaques sont là. Et même ceux qui reprennent le boulot, ceux qui ont un pont, voilà. Donc, ils ont la possibilité de nous écouter jusqu'à la fin de l'émission. Merci en tout cas pour ce soir. On se retrouve vous alors, Kay, cette semaine. Alors moi cette semaine, dès demain, me retrouve au Théâtre, c'est à Paris, 94 rue d'Amsterdam, dans le 9e, au Théâtre. Et le vendredi à Brisbane, c'est à Neuilly-sur-Marne. Et le samedi 5 novembre à Montpellier, à l'Infinity. Donc les gens du sud, venez nombreux, ça va être le feu. Merci à toi, Kay. Merci à toi, Fred. Bonne soirée à vous tous. Ouais, on s'éclate. Et on continue le week-end d'ailleurs. Hein. Peut-être un long week-end pour vous, hein, parce qu'il y a peut-être le pont demain bien pour sûr, vous. Ouais. Donc profitez-en. C'est ça. Le son de Skyrock, c'est reparti. Ciao. Allez, ciao.